allez tout tout faire. Perdre enfant, perdre enfant, allez tout tout faire, enculé. Perdre enfant, perdre enfant. Perdre enfant. Les hommes politiques, les journaux en plastique, les banquiers pathétiques, le réchauffement climatique. Les hommes politiques, les journaux en plastique, les banquiers pathétiques, le réchauffement climatique. Allez tout vous faire enculer, bien profond, bien profond. Allez tout vous faire enculer, bien profond, bien profond. Bien profond. Les féministes hystériques, tous les corps en plastique, les manipulations génétiques et tous les produits toxiques. Les salopes capitalistes, tous les sionistes racistes, pour tous ces grands humanistes. Bien profond, bien profond, bien profond, bien profond, bien profond. Allez tous vous faire enculer. Bien profond, bien profond, bien profond, bien profond. Tous vous faire enculer, bien profond, bien profond, bien profond, bien profond, bien profond. Allez tous vous faire enculer, bien profond, bien profond.